France Inter. 3 minutes consacrées à un blockbuster, c'est le rendez-vous de Frédéric Sigrist et ce matin je vous sens tout heureux. Oui Mathilde, je suis excité comme un pou au salon de la coupe afro. Enfin, quelqu'un a eu l'audace de faire un documentaire sur l'un des plus grands acteurs du XXe siècle. Non, c'est pas Leonardo DiCaprio. Non, c'est pas Daniel Day-Lewis. Non, c'est pas Tom Hanks. Je veux parler de notre Jésus 2.0, le messie du XXIe siècle, Keanu Reeves. Ah, rien que ça. Mais oui, rien que ça. Dire que DiCaprio est un grand acteur parce que pour jouer un trappeur, il a passé 6 mois en forêt à boire son pipi et à faire castor trop de deuxième langue, c'est pas foufou non plus. Faites-moi dormir dans la rue 2 mois sur un carton et vous allez voir que moi aussi, je sais super bien jouer le SDF. Hein. Keanu Reeves, lui, c'est totalement différent. Il est complètement surprenant. Soit il joue rien, ce qui en soi, quand on t'embauche pour jouer dans un film à plusieurs millions de dollars, est déjà un acte politique, soit il joue des choses qu'on comprend pas. Mais vous en connaissez beaucoup des acteurs qui se sont retrouvés chez autant de réalisateurs et réalisatrices différents que Keanu Reeves, Dracula de Francis Ford Coppola, La Liaison Dangereuse de Stephen Frears, Little Buddha de Bertolucci, My Own Private Idaho de Gus Van Sant, Intuition de Sam Raimi, Speed, Matrix, L'Associé du Diable, John Wick. C'est quand même hyper impressionnant pour quelqu'un qui est censé ne rien jouer. Si, comme certains l'ont dit, Keanu Reeves n'est qu'une plastique bonne à porter des costumes, Keanu Reeves, c'est un peu le héros de tous les cintres du monde. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui explique sa longévité? Alors, sans parler de son physique, je dirais son investissement. Lui physique. Ce que Keanu Reeves ne joue pas avec ses mots, il le joue avec ses jambes, ses bras, il court, il tombe, se bat, souvent en ayant appris lui-même à faire ses cascades. Peu d'acteurs se sont autant mis en scène dans la destruction d'eux-mêmes à l'écran. Keanu Reeves y prend cher dans tous ses films. À ne pas confondre avec Robert Downey Jr. qui prend beaucoup dans tous ses films. Je veux dire, plus que la barbe, il y a quelque chose de christique chez Keanu Reeves. Matrix ou John Wick, c'est un acteur qui meurt souvent et ressuscite toujours. Ensuite, là où les stars des années 80 étaient souvent dans la compétition de celui qui a les plus gros, je parle des muscles bien entendu, Keanu Reeves a amené un autre type de masculinité à l'écran, un côté androgyne à même de plaire aux hommes comme aux femmes. C'est pas un hasard si Tom Cruise et Keanu Reeves sont d'ailleurs les deux seuls héros d'action de cette décennie à continuer d'avoir une carrière. Il est aussi un des premiers acteurs à avoir accepté de prêter son image au monde du jeu vidéo. Et sa franchise, John Wick, avec son tueur incroyable ami des bêtes, oui parce que je vous explique Mathilde, dans John Wick on a tué son petit chien, donc il tue tout le monde pendant 5 films, c'est du génie. Et ben dans sa mise en scène, cette franchise a compris la grammaire viscérale du jeu vidéo. Mais surtout, Keanu, Mathilde, il est gentil. D'après ce qu'on entend dans les témoignages de ceux qui l'ont croisé ces dernières années, il laisse sa place aux personnes âgées dans le métro, il passe du temps avec des sans-abri, il est hyper généreux avec ses collaborateurs. Quand on sait qu'il a lui-même perdu sa sœur d'une leucémie, son meilleur ami River Phoenix d'une overdose, qu'il a été abandonné par son père, que sa fille est morte à la naissance, que sa femme est ensuite décédée dans un accident de voiture, on comprend que les souffrances qu'il s'inflige dans ses films ne sont rien face à celles qu'il a vécues dans la vie. Keanu Reeves, c'est notre petit Jésus de la pop culture et tout cela, vous le découvrirez dans cet excellent documentaire réalisé par le journaliste Julien Dupuis. Keanu Reeves, un messie pop, documentaire à voir dès aujourd'hui sur le site arte.tv.